et ce serait presque comme un podcast. De jeux vidéo. Ah non, mais celui-là ne serait pas comme les autres. Non, vraiment. Non, parce qu'il y aurait, enfin dans l'idéal, hein, Michael Pfeiffer. Il y aurait Fluno Inc., alias Joe. Il y aurait, je sais pas, Ayua, par exemple, tu vois. Non, vraiment, je t'assure, ce serait quelque chose de vraiment différent. À ce point-là ? Et c'est vrai que je lisais donc cet article donc de Jeff Vogel, je ne sais pas si vous l'avez lu, puis ensuite on peut retrouver ça aussi ailleurs un peu partout, parce qu'il y a eu quelques échos. Hein. Mais c'est vrai que ben, ce qu'on appelle simplement, ce que lui appelle la bulle indé, c'est simplement, c'est vrai que se dire qu'aujourd'hui, à l'époque, hein, parce qu'on a tous connu un peu l'époque de la Super NES, de la PS1, on avait un jeu par Noël, d'accord ? Maintenant on a un jeu par seconde, limite. On a l'impression qu'on pourrait voilà, jouer à un titre différent à chaque minute qui passe, chaque jour. Après peut-être que c'est un peu exagéré, mais justement, qu'est-ce que... On va commencer par Ayu, à toi par exemple, qu'est-ce que t'en penses ? Ce qu'on appelle la bulle indé, est-ce que tu penses réellement que c'est une bulle ? C'est-à-dire quelque chose qui à un moment va peut-être exploser, d'accord ? Qui va disparaître, qui est juste voilà, momentané, mais qui n'est pas du tout quelque chose de, voilà, ben de durable tout simplement ? Non vraiment. Bah, moi je vois ça, je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la musique, ouais. Et pour moi c'est juste la même chose que la musique, que ce Internet a apporté à la musique, mais décalé de 5 ou 6 ans. D'accord. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui font leur musique sur Internet et des gens qui font ça à une échelle vraiment très petite. D'accord. Et il y en a qui ont exactement le même statut que les indés au niveau des jeux vidéo. Et moi, je D'accord. pense que c'est un phénomène qui va se structurer. Ça commence même déjà. Ouais. Ils font des structures comme le Humble Bundle, etc. T'appelles ça une structure, le Humble Bundle ? Bah, c'est pas une structure, mais c'est des points d'accroche pour avoir des shops en ligne sans dépendre de je ne sais qui, Steam ou... Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu as 20 jeux au kilo, tu vois, pour 5 euros, ça fait un peu... Je ne sais pas si on peut... Ah non, mais le Humble Bundle, ils vendent aussi maintenant des jeux, ils ont un shop à la Steam. Ouais. C'est un store, oui, tout à fait. Et maintenant, ils peuvent vendre sur le Humble Bundle qui doivent prendre beaucoup moins que Steam. Mmh. Mais de manière générale, est-ce que, donc, d'après ce que tu me dis, hein, donc ce n'est pas une situation dont on peut entre guillemets se plaindre, parce que c'est vrai qu'il y a deux points de vue, hein, celui du joueur et celui du développeur, d'accord ? Ah oui. Donc le joueur, lui, se sent peut-être éventuellement, et je pense notamment à Martin Marland, qui avait également écrit un article dessus, c'est que le joueur éventuellement peut lui se sentir un peu, voilà, un peu simplement submergé par tant d'offres, mais effectivement, il peut peut-être s'en réjouir, hein, mais... Le développeur, lui, qu'est-ce qu'il peut en penser ? Qu'est-ce qu'il peut en tirer ? Ça veut dire demain, si je décide de me lancer sur le marché, qu'est-ce que, avec des yeux de développeur, hein, qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce que je constate ? Ah bah c'est, je nie pas le fait que ça devient plus difficile. Il y a plus de monde, donc il y a plus de concurrence. Oui. Avant, un mec qui savait que dev, il faisait son jeu dans son coin, il le postait sur un lien dans un vieux forum au fin fond d'internet, on le trouvait et ça devenait une star. Notch, c'est un peu ça. Oh. C'est plus qu'un violin sur un forum, tu vois. Il a mais quand même... non, mais c'était quand même pas un truc... Il y avait du suivi, quand même. Oui, mais c'était pas super connu. C'était pas comme les jeux maintenant. Maintenant, les gens, ils doivent faire parler d'eux. Ouais. Et c'est là que tu vois que les studios... genre, j'entends pas mal parler d'Endless Space, alors que c'est un jeu assez pointu quand même. J'entends parler des gars de Submarine, là. Ouais. Et si moi ils me touchent, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, ils arrivent à faire qu'on parle d'eux, et c'est un boulot maintenant des devs. Ils peuvent plus se contenter de faire des jeux, ils doivent aussi vendre leurs jeux. Ouais, est-ce que c'est pour ça qu'on dit que le marketing est au moins aussi important, si ce n'est plus, que le jeu lui-même pour les indés? Avec Internet, je dirais que non. En fait, vas-y, Joe. Ouais. Beaucoup, si, quand même, je vois ça un peu d'un autre œil, même si. Le parallèle qui a été fait au début par AIUA est intéressant par rapport à la musique. C'est que la musique, c'est une démarche artistique dans tous les cas. Mmh. Et tu peux faire de la musique comme ça, voilà, avec tiens, on va prendre l'exemple par exemple de DubFX, je sais pas si vous connaissez, mais ce mec là fait de la musique avec sa voix uniquement. Mmh. Il a commencé dans les rues et il s'enregistrait comme ça et il distribuait ses CD, et disons qu'en fait la diffusion était directe, quoi. Il était dans la rue, il faisait sa musique, les gens achetaient, c'était cool. Aujourd'hui, par rapport à ce qu'on appelle l'indépendant, et encore, je pense que rien que cette expression mériterait d'être définie. Bah vas-y, définis-la, je t'en prie. Ah bah, ça peut servir. D'abord, je vais aller au bout de ma pensée, après je la définis. D'accord. Donc ouais, je disais, un indépendant aujourd'hui, pour le jeu vidéo, sa place, on va dire, le marché géant, c'est Internet. D'accord. Et si t'as pas un minimum de marketing derrière ton jeu, tu vas le faire, tu vas kiffer le faire, et les gens qui vont y jouer vont peut-être l'apprécier, mais il va falloir que derrière, si tu veux en vivre, en faire un métier, forcément, au moment, il faut du marketing. Mais donc, ce que t'appelles marketing, c'est simplement avoir des articles dans la presse, ce genre de choses, quoi. Par exemple. Par exemple. Avoir quelques joueurs qui s'y intéressent, mais on se rend compte aujourd'hui que dès l'instant où tu ne fais pas partie de ces éditeurs développeurs qui sont capables d'offrir des petits fours et d'inviter les journalistes dans une piscine, tout simplement les journalistes sont peut-être trop d'offres à ce niveau-là, tu vois. Si demain sans un dé viennent taper à ma porte pour me dire tiens, est-ce que tu parlais de mon jeu, je vais peut-être en sélectionner 5 pour la journée. Mais c'est normal. Et encore, faut les tester. Donc c'est normal. Et justement, et même tu vas en sélectionner 5, et comme tu le dis, il faut les tester, mais il faut aussi, et c'est la part du marketing, c'est te dire, mec, mon jeu, il déboîte, et si je vais avoir envie de te donner 10... Parce que, tu comme tu dis, il y en a 100, du coup, tu vas déjà faire un choix, genre, tout ok, fait, par lequel je commence, etc. Ouais. Lequel je trouve et tout. Et, c'est ce que Vogel appelle peut-être, effectivement, enfin, même s'il ne parle pas juste du cas des journalistes, mais c'est ce qu'il appelle la part de chance, tout simplement. C'est qu'à un moment, comme au loto, tu vois, ou je sais pas quoi, on va plonger la main dans le truc et on va sortir une boule. Bon, il faut ta boule. Il y a un peu de chance. Enfin, beaucoup, je pense que il y a un peu de chance. Mais ce que dit Vogel, oui. C'est beaucoup de chance. Savoir, je vais dire, savoir jouer avec, savoir l'influencer. Mmh. Donc, bon, voilà, après, il y a... En tout cas, marketing, c'est peut-être un mot qui fait un peu flip, enfin... Communication, je dirais. Moi. On va dire, plus communication. Ouais, même si au final, l'objectif, c'est de vendre. Enfin, faut pas, plutôt visibilité, en fait, plutôt, non ? Ouais, aussi. Voilà, c'est la même chose. Faut juste que les gens ils sachent que t'existes. D'accord. Faut pas acheter ton jeu sinon, mais on est dans un monde où forcément, n'importe qui peut faire un jeu, où il y a beaucoup de monde qui peut faire un jeu. C'est vrai que le coût d'entrée, forcément, vas avoir des milliers de jeux et... on peut pas s'en plaindre, on peut pas dire c'est moche qu'il y ait 10 000 personnes qui puissent faire leur jeu au lieu de 100 avant. Ah non, c'est une super chose, mais il faut arriver. Je sais pas, je suis pas complètement d'accord. Moi non plus, en fait, ça dépend. Tu peux faire un jeu artistiquement, on va dire, abouti, et tu vas avoir des mecs qui vont prendre un clone de je sais pas quel jeu qu'on a vu et revu 1000 fois, juste pour le coup de vendre un jeu, tu vois. Après, il y a forcément des dérives. Non, mais dans les années 80, c'était à cause du jeu vidéo en partie. Enfin, un crash économique où il y avait trop de jeux qui se faisaient et ça a complètement saturé le marché et ça a vraiment foutu la merde, quoi. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est simplement qu'on a on a un marché, un marché au sens d'une place qui est Internet, qui est plus vaste, sur lesquelles on peut. Un peu plus chercher. Aujourd'hui, j'ai envie d'avoir les dernières nouvelles de Call of Duty. J'en trouve sur tous les sites de presse. Je trouve une quantité incroyable de mecs qui font des vidéos YouTube dessus, etc. Ouais. Et si je veux m'intéresser, à des jeux, ce qu'on va appeler indépendants, la reconnaissance aussi de l'auteur un petit peu, etc., j'aurais des sites également à disposition et en gros, il me suffirait de les connaître pour les trouver, quoi. Ouais. Je vois. Donc, je suis pas complètement d'accord quant à dire que c'est bien qu'il y en ait trop. Oui. Il faut. Après, bien sûr, on va pas faire un contrôle des naissances. Je sais pas si c'est bien ou pas. Contrôle des naissances. Ou pas, en fait. C'est juste on peut pas interdire aux gens de faire des jeux s'ils peuvent, s'ils ont envie de les faire et qu'ils les font, s'il y en a, ils le font pour faire du fric, tant pis, mais il y en a qui à côté vont faire des tout petits jeux super sympas. Attention, j'ai l'impression que... Les jeux de Terry Cavana, par exemple, c'est des jeux tout simples, mais ils sont vraiment sympas, et c'est le genre de gars qui n'a aucune prétention en faisant ces jeux. Alors, Michael, ça va ? Salut ! Ah, est-ce que... Est-ce que tu pourrais... Parce que là, c'est vrai qu'au niveau du son, tu es un peu... Tu vois ? Est-ce que tu pourrais juste... Je dis qu'au niveau du son, tu es un peu dans la salle de bain, là, alors que nous sommes dans le salon. D'accord, vous m'entendez là ? Oui, oui, c'est vrai. Mais est-ce que tu peux juste faire outils, options et juste régler tes paramètres audio ? Peut-être passer en manuel et régler ça à 50%. Je te remercie. Alors, donc, est-ce que tu voulais continuer, Camé ? Non, moi j'ai à peu près dit ce que. Enfin, je pense que ce qu'ont dit nos deux invités sont très bien. Ça résume, oui, effectivement, on peut pas interdire à quelqu'un de faire un jeu s'il a envie de faire un jeu. Après, il fait un jeu de merde. Bon, mais c'est son problème, c'est lui qui sera pénalisé dans le c'est sens pour ça où que... on dira qu'il fait de la merde. C'est ouais. vrai que ça force le consommateur à avoir une recherche pour après, ces vrai. Jeux. Après, vrai, ce que je trouve dommage... Il y a des jeux mainstream qui prennent toute la place. En fait, ce que je trouve dommageable par rapport à ces jeux de merde, c'est ouais. que ça peut générer, on va dire, un sentiment vis-à-vis du grand public ou même des joueurs, de dire, bah, attention, les jeux indés, c'est des petits jeux. Non, personne ne peut croire ça. Si, bien sûr que ça peut le faire. Va sur la page du Michael, Live qu'est-ce que t'en dis de ça? Tu verras 50% de jeux de merde, ça donne pas une super bonne impression du jeu indé. Hein. C'est exactement ça. On se Michael. Met le kill à côté d'un clone Minecraft mode 2 bits. Michael, l'image du jeu indé, tu peux pas me dire que le jeu indé a une mauvaise image auprès du public, c'est pas possible. Non, c'est une bonne image. Même c'est carrément à la mode d'aimer les jeux indépendants. Oui. Espérons voilà. que ce ne soit pas qu'une mode, hein, et que les joueurs apprécient un peu. Enfin, je veux dire apprécient, oui. Enfin, sincèrement, honnêtement, jouer à des jeux type 8 bits ou bien ce genre de choses, quoi. Enfin, des de jeux qui façon, reviennent un peu à quelque chose de plus. Les gens, ils jouent aux jeux qui sont bien, hein, la plupart du temps. Même un jeu qui est super hypé et quand il sort, tout le monde l'achète. Après, s'il n'est pas bien, ben, il n'est pas bien, tout le monde le dit. Mmh. Mais donc, c'est vrai que lorsqu'on évoquait bien sûr le point de vue donc, du gamer, c'est juste pour dire que, et là, je parle vraiment, et peut-être, tu vois, du joueur qui a peut-être aujourd'hui, enfin bon, qu'importe l'âge, hein, mais qui a tout simplement une expérience de, on va dire, 10-15 ans sur, voilà, tout simplement, par rapport aux jeux vidéo, et qui s'était plus ou moins habitué à tout connaître, d'accord, à tout savoir, à avoir une idée à peu près des grands hits de chaque console, de chaque machine, que ce soit sur PC, tout ça, et même s'il y a des machines qui tombent un peu dans l'oubli, et des ludothèques qui sont un peu, voilà, mais aujourd'hui, avec les... on a vu, hein, puisque bien sûr qu'il y a un point, on va dire, assez marquant, qui est simplement le fait que Valve ait autorisé une centaine de jeux en Greenlight, voilà, donc juste sur une seule journée. On peut parler bien sûr des Humble Bundle que tu avais cité tout à l'heure à IUA, et on peut parler aussi bien sûr des soldes Steam à moins 80%, tout ça. Et c'est vrai que c'est pas que les joueurs peuvent se désintéresser, bien sûr, mais qu'ils se trouvent un peu surchargés. Et de dire que même si je veux vraiment... voilà, tenter de connaître les meilleures expériences, pardon, voilà, apprécier le médium comme on apprécie, enfin, je sais pas, comme un cinéphile apprécie, voilà, enfin, voilà, enfin, le cinéma, quoi, avoir une connaissance assez pointue de ce qui peut se faire, ben, c'est objectivement absolument impossible. Et je crois que tout simplement que cette situation est inconnue, ce sentiment est peut-être inconnu de la plupart des joueurs, c'est-à-dire être vraiment submergé, peut-être par l'offre, mais une offre quand même de qualité, voilà, sinon les gens ne s'en plaindraient pas. Après, j'aimerais juste dire un truc, mais je pense que déjà tu te plantes dans ta question. Parce que d'accord, vas-y, dans tous les gens qui sont ici ouais. sont déjà des gamers, j'ai envie de dire, de l'élite, parce qu'on s'intéresse à toutes les consoles, on s'intéresse au PC, j'imagine tous, ouais. on connaît toutes les consoles, les pour, les contre, quels jeux sont bien, on s'y connaît en plein de choses, on sait ce que c'est qu'un speedrun, qu'un jeu indé. Ouais, tout à un fait. Gamer de 17 ans aux États-Unis qui joue à Call of Duty sur sa Xbox, il sait pas que ça existe, tout ça. Ouais, mais bon, ça représente la grosse partie des gamers. Pas pourquoi, en fait. Et on a parlé d'offres et de demandes, et je pense que par rapport à l'aspect un petit peu, entre guillemets, hein, de grosses guillemets, il n'y a rien de péjoratif parce que pour le coup je bosse dedans, mais il y a un petit côté un petit peu branlette, quoi, à se dire moi je vois de l'indé, je connais de l'indé, ça fait genre je cherche plus loin que ce que je vois à la télé, parce que Minecraft, pour prendre l'exemple le plus évident, à péter d'hardcore et machin. Mmh. Personne ici et personne dans le monde n'a vu une pub à la télé Minecraft. En tout cas, du temps où voilà, c'était sur PC, où on était tous sur l'alpha, machin. Mmh. Voilà, c'était un effet de bouche à oreille. Et là-dedans, je pense que, donc par rapport au marché de l'indépendant, en tout cas dans une de ses facettes, l'offre et la demande sont en fait deux camps constitués de plus ou moins la même personne. C'est juste que le joueur qui fait partie de la demande, bah, c'est le mec qui n'est pas dans l'offre. Genre, moi, j'ai envie de jouer à des purs jeux, mais je ne sais pas les faire, mais il y a des mecs qui les font et je m'intéresse à ça, donc c'est cool. Par rapport à l'offre et la demande, Michael, je pense que pour une des raisons pourquoi le jeu indépendant s'est vachement développé, c'est parce que les goûts des joueurs ont aussi vachement évolué, sont vachement diversifiés. Donc, peut-être qu'il y a des gosses de 17 ans qui jouent à Call of Duty, mais je pense qu'il y en a de plus en plus qui commencent à s'intéresser à d'autres choses, puisque le jeu vidéo, ça commence à avoir quand même une histoire assez, assez conséquente. Ça commence à avoir, c'est devenu une vraie culture. Mmh. Donc, tu vois, c'est comme au cinéma, on a les blockbusters et puis on a tous les films indépendants à côté. Et donc voilà, je pense que par rapport à l'offre et à la demande, il y a beaucoup plus d'offres de jeux vidéo. Oui. En même temps, il y a beaucoup plus de diversité dans ce qu'on propose. Oui. Tu vois, par exemple, Farming Simulator, qui aurait cru que ça aurait fait un hit, quoi. Et parce que voilà, maintenant, Eurotruck aussi. tous les gens avant qui jouaient pas, et maintenant ils trouvent le jeu qui vont les faire kiffer. Mmh. Mais sans être aussi optimiste que toi, Michael, et même si je n'ai pas d'études pour appuyer ça, est-ce qu'on peut, ceux qui apprécient aujourd'hui le jeu vidéo indépendant qui le porte, après que ce soit au niveau des journalistes, peut-être au niveau des joueurs, est-ce que ce ne sont pas justement des joueurs un peu plus vieux, ça veut dire, voilà, qui ont peut-être un peu plus de 25 ans, qui ont déjà la trentaine, qui sont peut-être quadragénaires, qui ont des enfants, tout ça, quoi, et qui reconnaissent très vite, lorsqu'ils vont à Super Meat Boy, ce genre de choses, qui reconnaissent très vite justement les codes du jeu vidéo 16 bits, 8 bits, d'accord, c'est simplement avec ces codes-là qu'ils ont grandi et qu'ils ont appris à aimer simplement ce médium, et que paradoxalement, donc ces personnes, comme je dis, et moi c'est donc dans mon cadre théorique, donc ces personnes un peu trentenaires qui ont des enfants, qui ont déjà un boulot, qui ont une vie de famille, se retrouvent finalement avec, qui ont effectivement donc, on va dire relativement peu de temps libre, d'accord, se retrouvent justement avec, paradoxalement, le fait de devoir choisir dans une offre pléthorique. Justement. Et c'est ça, en fait, qui est peut-être, je dirais, la source de cette espèce de malaise, enfin, quand je dis de malaise, de vertige, d'accord ? Peut-être qu'un enfant de 17 ans, d'accord ? Si les jeux indés s'adressaient peut-être un peu plus aux plus jeunes, d'accord ? Peut-être qu'un enfant, de 17 ans qui dispose de beaucoup de temps libre voit moins le problème qu'un trentenaire qui se dit « Je suis content de retrouver mes jeux 16 bits ou 8 bits, enfin, style, mais quand il y en a 20 000, ben, au final, je passe plus de temps à les choisir que qu'à y jouer. Enfin voilà. Sur les 100 jeux sur Steam qui ont été greenlightés, finalement, il y en a combien qui t'intéressent ? Même pas une dizaine, tu vois. Enfin, parce que c'est pareil, c'est vachement varié aussi ce qu'ils proposent. Par rapport à. En fait, ce que tu veux dire, c'est il y a trop d'offres pour un trentenaire, c'est ça ? Dis, paradoxalement, s'il a très peu de temps, peut-être que c'est ça, en fait, qui l'embête. Je sais pas si AUA ou Joe ou Camille pourraient confirmer, éventuellement. Enfin, d'accord. Par rapport à ça, en fait, c'est pareil, les jeux... Un investissement, quand même. C'est vrai qu'il faut... Avant, t'allais dans un magasin de jeux vidéo, tu prenais le premier truc, parce que de toute façon, il n'y avait que ça. Maintenant, avant, il n'y avait pas Internet, tu ne pouvais pas commander sur Internet. Quand tu avais 15 ans, tu voulais un jeu vidéo, tu allais dans un magasin et tu l'achetais, quoi. Tu n'avais pas le choix. Et s'il ne l'avait pas, tu ne l'avais pas non plus. Si tu sais que Steam existe et que tu as envie de jouer à des jeux un minimum recherchés, il faut que tu essaies de trouver lesquels sont bien. Je ne vois pas, en fait, bien le lien... Dis-moi. Par rapport à indépendant. Sure. En fait, indépendant, on parle d'indépendant et tout, mais... Défini, ce que tu voulais définir, en fait. Ouais, je pense que ce serait intéressant peut-être déjà juste de définir ça, parce que on considère qu'indépendant, voilà, on a parlé de Minecraft, on a parlé de Super Meat Boy, qui sont effectivement des indépendants, mais Il y a, enfin, indépendant, qu'est-ce que c'est, quoi? Indépendant, c'est juste une entité quelle qu'elle soit qui peut développer ses jeux, en l'occurrence, avec sa propre thune. Et les mecs, par exemple, voilà, les mecs, et enfin, d'ailleurs, je dis leur propre thune, ou alors qu'ils se sont démerdés eux-mêmes pour choper des financements. C'est pour ça que, voilà, à moins d'être rentier et machin, il y a, enfin, au sens premier du terme indépendant, je dois des comptes à personne, je sais pas s'il y en a beaucoup déjà. Et il y a Epic, c'est un studio indé, quoi. Ils sont blindés de thunes, ils font des trucs là, mais c'est des indés. Ouais, il y a l'esprit indé, moi je dirais, c'est un peu ça, c'est l'esprit de faire des jeux pour des gamers avec un certain esprit, de pas être une boîte qui fait du fric, mais juste de faire des bons jeux. Et il y a encore des boîtes qui essaient de faire ça. Enfin, il y a des... Ouais, mais une boîte qui essaie de faire du bon jeu sans espérer faire du fric, elle va faire un bon jeu, puis elle va tirer le rideau, quoi. Oui, mais enfin, il y a toujours cet esprit de faire du fric, mais il y a quand même, bon, peut-être moins maintenant, mais il y a des boîtes, Valve, ils font une thune d'enfer, mais ils essaient quand même de faire des jeux qui sont très bons. Parce qu'ils ont ciblé. Mais leurs jeux sont free to play. Si t'as pas envie de payer, tu payes pas. Mais ils font un truc d'enfer dessus quand même. Bien sûr. Bon, je dis pas qu'ils ont, que c'est totalement des anges, hein, mais. Les Valve, ils sont loin d'être indépendants, et puis ils ont Steam derrière pour qu'ils les financent. Je parlais juste la démarche, hein, je les considère pas indépendants du tout. Hein. Ce que je veux dire, c'est que eux, au niveau financement, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, la recherche et développement pendant des années sur un jeu, puis abandonner. Oui, voilà. Après, c'est vrai que le jeu indé, définir, c'est pas facile, parce que c'est encore une fois, c'est super varié. Oui, bien et sûr. Chaque studio a un peu son style, ses objectifs et tout ça. Mais c'est vrai que, de toute façon, un studio indé, pour moi, il a trois choses à faire. Faire un jeu, trouver de l'argent et faire parler du jeu, quoi. C'est les trois choses. C'est ça qui définit un peu un studio indépendant. Pour moi, c'est on s'occupe un peu de tout. Et voilà, quoi. Mais c'est sûr qu'il faut faire de l'argent, sinon on ne peut pas continuer. Mais c'est vrai que en tant que développeur, c'est-à-dire que, enfin, quand je dis du point de vue du développeur, bien sûr, cette pléthore d'offres, hein, d'accord, oblige, enfin, comme si, quand il y a forte concurrence, d'accord, il y a forcément une pression, enfin pas forcément, mais il y a bien souvent une pression à la baisse sur les prix, d'accord. Quand effectivement il n'y a pas d'immense distinction, en tout cas dans la qualité. Enfin, quand on dit dans la qualité, ça veut dire vraiment qu'il y ait une grande disparité. Et tout simplement se dire que demain, peut-être que, et même aujourd'hui, hein, ce qu'on peut voir avec les bundles éventuellement, tout ça, c'est demain se dire qu'un bon développeur, d'accord, quelqu'un qui fait quelque chose dont il espère éventuellement, s'il a peut-être un peu de chance et qu'il s'investit suffisamment, tirer de l'argent, est obligé d'être bradé, d'accord. Et là, vraiment, on parle de prix, simplement parce que le joueur se retrouve avec 10 ou 20 jeux ou 30 jeux à peu près dans le même créneau. Donc, est-ce que c'est pas... vrai que c'est un problème. Hein. C'est se dire que si demain, et même si on va prendre un exemple un peu exagéré, d'accord, mais si demain, tout le monde est obligé de vendre son jeu à 1€ sur l'App Store, d'accord, il y a peut-être des personnes... à qui ça va convenir, d'accord. Mais il y a simplement des gens un peu plus, qui ont peut-être fourni un travail un peu plus conséquent, d'accord, peut-être avec un peu plus d'expertise et qui se retrouvent entraînés par ça, quoi. Ouais, mais dans tous les cas, c'est pas le cas. Et le prix d'un jeu, au-delà, je vais partir d'un exemple, même deux, tiens, parce que je m'en fous. Minecraft, pour rester un peu bloqué au même truc. Au début, dans ses premières versions, il coûtait moins cher que la version finale. Parce qu'en gros, filez-moi un petit peu de thunes, entre guillemets, hein, parce que un petit peu fois des millions, ça fait beaucoup, mais un petit peu de thunes pour avoir une version dégueu. Ouais. Et à la fin, si toi t'achètes la version finale, tu la paieras 25 boules. Et le prix aura augmenté. Mais le prix aura augmenté parce que la technique, la finesse, la propreté, le degré de polishing, etc., augmenté et tout. Ouais. Donc, je me dis 25 balles, je peux construire des châteaux géants, m'amuser, enfin un grand bac à sable, ça peut valoir le coup. D'accord. Je prends ensuite Super Meat Boy, qui est, en termes de GD, c'est quelque chose d'extrêmement précis, hein, très propre et très rewardant, machin, mais ça reste un jeu de plateforme. D'accord. Les mecs, ils pouvaient pas vendre le jeu 20 balles, quoi. Tu vois, parce que la technique fait que bon bah c'est du flash et que machin, et surtout que bah des jeux de plateforme un petit peu nerveux, ouais. Bon ou pas bon, bah il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes qui étaient, ouais, là bien avant Super Meat Boy, quoi. Super Meat Boy qui déjà avant lui-même était une version gratuite sur un site de flash. Donc le prix c'est quelque chose qui se définit a posteriori, j'ai envie de dire. Oui, actuellement, enfin, juste du coup pour finir sur mon cas perso. Vas-y, oui, vas-y. Donc notre boîte d'Apiki Monkey, on travaille sur un jeu de plateforme qui est, voilà, nous on le définit très rapidement comme ça parce que c'est pas le sujet. Mais en gros, c'est à la croisée de Super Meat Boy et Kid Caméléon. Oui, hommage. Ok. Ah, ben dis donc. Ah, et. Ok, Super Meat Boy, de mémoire, hein, je crois, quand il est sorti, il coûtait 15 balles, à une vache près. Hein. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde connaît Super Meat Boy, machin. Est-ce que je vais sortir mon jeu 15 balles? Bah non, quoi. C'est juste pas possible. Ouais. C'est juste pas possible, parce que les mecs, le consommateur qui est un joueur, ou le joueur est un consommateur, surtout dans cette image qui se représente du marché de l'indépendant, il va pas se dire, ok... je vais mettre le même prix que tel jeu qui est sorti il y a 6 ans pour une expérience similaire. C'est juste pas possible. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, imaginons effectivement que tu considères que ce que t'as fait, que ton travail soit vraiment d'une qualité exceptionnelle, soit vraiment peut-être très original, tu vois, ce genre de choses. Ah bah, ouais, mais est-ce ça, que c'est finalement, pas... tu vas pas... Évidemment, je vais mon jeu et te dire, je vais le mettre à 15 euros, tu vois, parce que toi-même, t'y crois, quoi. Les joueurs voient ça. Il ne s'intéresse même pas, enfin bon, tu sais, il voit un petit trailer ou j'en sais rien, peut-être que tu vois, t'as peut-être un ou deux articles sur un ou deux sites, et les gens voient ça et se disent, putain merde, ça coûte 15 euros, tu vois, et basta. Et donc, le temps que toi tu changes de prix, tout le monde s'est barré et les gens sont déjà passés à autre chose et ont déjà peut-être un a priori négatif sur le jeu, tu vois. C'est inconcevable que je mette le jeu au même prix, quoi. Ouais. Parce que, ça rejoint ce qui était dit en début, c'est que, il y a beaucoup d'offres et que, étant donné que ce marché de l'indépendant a tendance à se retourner vers des valeurs de game design, on va dire, un peu plus originales, mais au sens les premiers jeux, quoi. Voilà, les premiers jeux, les premières mécaniques, des mécaniques simples. Oui, tout à fait. On peut pas... la confrontation, elle est d'autant plus brutale, quoi. Si je dis que mon bonhomme, il fait que sauter, et que le tien dans ton jeu, dans ton bonhomme, il fait que sauter, bah, va pas y avoir mille et une... Enfin, tu vois, et le prix fait aussi partie de l'argument de vente, quoi. Il fait un double saut, donc tu peux le mettre à voilà. Tu vois. Bah, exactement. Je pense que le mec qui a inventé le double saut, bah, il s'est fait copier, il en a inspiré des tonnes et des tonnes, et aujourd'hui, t'as un jeu de plateforme sans double saut, tu dis, mais il manque un truc, quoi. C'est super bizarre, tu vois. Michael, t'en dis quoi ? Je suis pas forcément d'accord sur le... vas-y. ...du jeu, hein, parce que... Je sais pas, on doit pouvoir trouver des exemples, mais... Ouais. Je t'en prie. Synapse, je crois qu'il était à 20 euros. Tu regardes le contenu du jeu, c'est inférieur à des jeux à 5 euros, 10 euros, et pourtant il s'est bien vendu. Ouais. Ils ont fait des promos, les gens l'ont bien vendu. Ils l'ont bien acheté, mais faut que tu vendes un jeu à 20 euros si tu veux le vendre 20 euros. Ouais, il faut qu'il y ait un minimum de cinématiques, etc. S'ils payent 20 euros, les gens ils s'attendent à ce que ton jeu il ait de la vidéo, etc. Super musique, il a des super animes. Excuse-moi, je finis juste. Ouais, il a de la super musique, il a des super clips entre toutes les missions, etc. Si toi ton truc il a pas ça, bah t'as pas l'histoire, t'as pas le design qui pète, qui tue. C'est tout ça qui faisait la hype de Super Meat Boy, c'est que le jeu il était vraiment fini de A à Z et il valait quand même ses 15 euros. Si toi tu vends que du gameplay, bah tu peux pas le vendre 15. Et si tu veux le vendre 15, il faut que t'apportes tout ce qu'il y a autour qui fait un jeu plus gros. Entre guillemets, c'est peut-être moche de devoir faire quelque chose autour du gameplay pour le vendre, mais malheureusement, non, mais on est bien d'accord. Hein. Vas-y, Michael, tu voulais dire. Non, en fait, je veux juste dire que pour moi, un jeu, le prix ne se définit pas trop par rapport au nombre de cinématiques qu'il y a dedans. C'est un peu comme, pas comme un produit de luxe, parce que c'est pas du tout les mêmes prix, mais je pense que quand quelqu'un voit un jeu qui lui plaît, il dit celui-là j'ai envie d'y jouer, il va pas forcément regarder le prix, à part si c'est complètement délirant bien sûr. C'est pour moi c'est difficile de définir le prix d'un jeu. Moi je connais surtout le marché de l'App Store, c'est assez rigolo parce que c'est un peu complètement inversé par rapport au PC. par exemple, enfin, sur l'App Store, les jeux sont soit gratuits, soit à 1€. Et justement, je pense que pour les indépendants, il vaut mieux les vendre 5€, voire 10€. Ouais. Parce que de toute façon, on en vendra 500 000 fois moins qu'un jeu à 1€. Mmh. Alors, autant le vendre super cher, parce que de toute façon, les mecs, s'ils voient ton jeu, ils pensent qu'il est bien et que c'est un jeu indépendant, ils vont plus être à même à payer plus cher que 1€ parce qu'ils savent qu'ils auront un vrai jeu. D'accord. Et qu'ils parlent pas forcément des achats intégrés, arnaques, etc. Ouais, au contraire, sur PC, c'est vrai que c'est du coup, les jeux indépendants, ils plongent vachement vers le bas pour les prix. Ouais. Mais bon, c'est vrai que Humble Bundle, par exemple, c'est pas un bon exemple puisque eux, ils font leur beurre en faisant des grosses opérations de com et en faisant beaucoup de ventes en très peu de temps. Mmh. Donc, finalement, ils s'y retrouvent, mais ça représente pas tous les autres indépendants qui existent. Mmh. Donc, oui, c'est gros, mais je parlais juste de ça en tant que mécanisme qui commence à arriver. Bien évidemment qu'au début, c'est des plateformes qui ciblent que les plus gros indépendants, mais je pense que petit à petit, il y a des gens qui arrivent à s'agréger, à créer des trucs ensemble, enfin des URA, ouais. C'est des indés, même si c'est pas terrible, ils ont quand même fait quelque chose. Non, mais c'est vachement des choses qui sont apparues ces dernières années. Et c'est pas forcément parfait, mais je pense que ça va venir. Il y a des gens qui y travaillent et pour l'instant, faut faire avec ce qu'on a, mais je pense que ça s'améliore plutôt rapidement hein, avec. Ouais. On a eu Kickstarter dernièrement. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est pas vraiment le prix qui va faire son succès, c'est plutôt la communication qu'il va avoir autour du jeu. C'est un peu la course à la. Comme il y a beaucoup plus de concurrence, c'est un peu la course à la communication, c'est-à-dire faire parler de son jeu sur les magazines, sur les sites web, Facebook, etc. Les Twitter. Et avoir de la visibilité. En fait, c'est pour moi, c'est un peu ça aujourd'hui qui va être difficile, étant donné qu'il y a beaucoup plus de titres qui sortent. Quoi. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, et justement avec The Humble Bundle, on est bien d'accord sur un point. Hein, le prix, c'est vraiment pas du tout le facteur numéro un des ventes, quoi. Mais si mon jeu il est cool et que je suis indépendant et que je me dis il faut que parce que faire un jeu dans tous les cas c'est quand même des coûts. Hein. Mmh. Mettre un jeu 10€ en me disant au moins ça fera quand la thune elle rentre, elle rentre bien. Si je le mets à 5, potentiellement le joueur en face va se dire ce jeu là il aurait pu coûter 10€ hein, si je le compare à la concurrence et pourtant il coûte moins cher. Mmh. Et du coup je pense que la capacité à capter l'attention de plus de gens est juste par le prix. Et je pense, donc je reviens là-dessus, que par rapport à des choses comme Humble Bundle ou Green Man Gaming vont dans ce sens-là, le prix reste un sacré argument, quoi. Ça, je suis d'accord, mais pour que les joueurs, justement, ils voient le prix de ton jeu, il faut qu'ils en entendent parler. Ah ouais, non, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Après, le prix, c'est un équilibre à trouver par rapport à ton audience et par rapport à la concurrence, c'est vrai. Mais c'est un peu un facteur. Enfin, c'est pas ça qui va faire connaître ton jeu, si tu veux. Ouais, c'est clair. Ça, c'est sûr, on est d'accord. C'est clair que des fois, il y a des loupés. Je sais pas si vous avez acheté ou joué à Evoland, mais payer 10€ pour un truc comme ça, ça m'a fait un peu chier quand je me suis dit qu'à côté, j'ai payé 1€ des trucs comme Tulus Save the World. Niveau temps investi par les développeurs, ça m'a fait un peu mal au cul, quoi. Ouais, mais je me dis, des fois, il y en a qui abusent, quand même. Evoland, c'était le RPG, là, multigénérationnel, ouais. Non? Ouais, enfin, pendant 30 minutes, ça te débloquait des features, et après, c'était un mauvais RPG où t'attaquais et tu jetais des bombes, quoi. Après, le concept avait l'air bien, après. Je pense qu'ils ont pas du tout étendu ce qu'ils ont fait à la Game Jam, en fait. Il y a pas grand chose de plus. C'est vrai. Mais c'est vrai que oui, ce que tu évoques en parlant de Game Jam, enfin, de la Game Jam, c'est ça? C'est vrai que t'as tous les trucs du style Ludumdare, genre de choses. Qui sont plus ou moins des concours avec des prix, avec des joueurs primés, tout ça, et qui forcent simplement déjà à avoir un petit prototype hein, qui fonctionne. Et c'est vrai que ça, c'est aussi un très bon vivier de nouveaux talents, c'est ça, qui en plus pourront peut-être plus tard aussi tout simplement venir s'installer sur le marché, quoi. Et c'est vrai qu'une question en fait que je voulais poser, tout simplement, c'est que c'est vrai que là, on parle d'indé machin, comme si effectivement tout était un peu. un peu mondialisé, d'accord ? Et justement, c'est là que je vais y venir, c'est que est-ce que un développeur indépendant français doit d'abord, comment dire, se faire reconnaître en France, ou est-ce que directement ils se sont mis en concurrence en fait face au monde entier ? C'est-à-dire, est-ce qu'il serait possible de créer en... Et là, je me rappelle en fait plus ou moins le rapport qui avait été, comment dire, donc le rapport de deux sénateurs, Gattolin et Retailleau, qui avait donc filé ça il y a 2 mois, et tout simplement se dire, est-ce qu'on pourrait finalement créer une sorte de protectionnisme, d'accord ? Après, je ne sais pas exactement quelle forme ça prendrait, mais je sais que dans ce rapport, on avait lu l'histoire, enfin peut-être, hein, éventuellement, une histoire de plateforme style Valve, mais à la française, d'accord ? Enfin, quand je dis à la française, avec des jeux français, tout ça. Donc, est-ce qu'il serait possible, finalement, ben, de séparer ça ? Ou est-ce que, dans tous les cas, dès l'instant où un jeu est numérisé et disponible sur la toile, là, finalement, on peut pas, il n'y a plus réellement de frontières. Voilà. Ça, la store joueur français, pour moi, c'est de la science-fiction. Ouais. Et puis, en plus, pourquoi s'enfermer sur son propre pays, quoi, alors que le monde est ouvert à nous grâce à Internet, à la distribution dématérialisée. Franchement, je comprends pas. Vis-à-vis de la France par rapport au reste du monde, pour monter Dapiki Monkey, ça a été une véritable galère, hein, parce que de toute façon, pour le coup, ça ne concerne pas que les industries du jeu vidéo, bien que, parce que on arrive dans les grandes instances de l'administration française pour dire « Salut les gars, moi je veux monter une boîte de jeux », les mecs, ils sont même pas déjà sûrs de savoir ce que c'est du jeu vidéo. Et là, j'ai presque envie de dire, c'est un retard vis-à-vis de l'État, quoi, par rapport à prendre conscience que, voilà, par exemple, monter une boîte au Canada ou aux États-Unis ou même en Allemagne ou en Angleterre, c'est infiniment plus rapide et plus simple qu'en France. Donc déjà, on en avait parlé effectivement précédemment, c'est vrai, et sans parler des aides en plus financières, on n'en parle même pas, tu vois. Ouais. C'est vrai que pour le petit entrepreneuriat en France, c'est vrai que c'est vraiment la galère, quoi. Ouais, c'est la misère, et les mecs se rendent pas compte que le jeu vidéo est un média extrêmement porteur, enfin, et lucratif. Et de ce point de vue-là, c'est sûr que vouloir s'installer en France, je pense, personnellement, et c'est pour ça que je l'ai fait, que c'est bien parce que si on a envie un jour que les choses changent, il va bien falloir se bouger le cul dans ce sens-là, quoi. Ouais. Mais c'est sûr qu'il faut avoir la patate, et j'irais même jusqu'à dire avoir une forme de solidarité entre les différents studios. Et donc nous, on est dans la région de Bordeaux. Ouais. Et il y a la sauce Bordeaux Games qui permet à plusieurs développeurs connus ou moins connus, hein, entre guillemets, s'assembler ensemble et devenir une entité plus puissante et donc plus reconnue, plus plus importante, et qui peut, je l'espère en tout cas à terme, permettre l'entrepreneuriat français plus facile dans le terme, dans le sens du jeu, enfin dans l'univers du jeu, quoi. Il me semble que Michael est dans la région lyonnaise. Le SNJV, non, éventuellement. C'est c'est des institutions qui existent. Et qui font bien leurs choses, quoi. C'est pas à elles les fautives, quoi, mais c'est vraiment, on a besoin de... Je pense déjà que ça dérive un peu, parce que je suis pas convaincu que ce soit mieux pour quoique. En fait, voilà, on prend des grosses boîtes type Ubisoft, ils sont là et ils sont arrivés assez tôt dans l'ère du jeu vidéo pour pouvoir s'installer et prendre la place qu'ils occupent aujourd'hui, entre guillemets, tranquillement, même s'il a fallu faire du bon jeu derrière. Mais c'est sûr que, quand on est un indépendant aujourd'hui et qu'on a envie qu'on se dit, c'est vrai qu'il y a des mecs qui font tel jeu, moi ça me plaît bien, j'ai pas forcément envie de rentrer dans le système un peu vénère, un peu où les mecs ils bossent derrière leur bureau, ils ont des pressions incroyables, etc. Bref, ok, j'ai envie de fonder un truc indépendant. En France, c'est compliqué, c'est super compliqué, et il faut... Disons, on va dire que c'est un deuxième combat qu'on mène, quoi. Il y a le combat que tous les indépendants du monde mènent. C'est genre, j'ai envie que mon travail soit reconnu et que je puisse en travailler et monter ma boîte. Oui. Et il y a, faut que j'existe, quoi. Non, c'est pas ça. Tout à fait d'accord. Mais oui, moi je pensais à la double peine. C'est ça que, voilà. Et oui, mais toi tu es dans la région lyonnaise, Michael, c'est ça, il me semble. Oui. Et c'est un peu pareil. C'est ça. Et en fait, moi, j'ai une première vie avant le jeu vidéo. En fait, j'ai bossé pendant plus de 10 ans sur Paris dans des agences de pub en tant que directeur artistique. Et c'est vrai que si j'ai tout laissé tomber, je me suis installé à Lyon, c'est parce que, voilà, comme tu disais, trop de pression, peu de récompenses. Mais j'avais vraiment l'impression que mes compétences n'étaient pas du tout utilisées au maximum. Et du coup, aujourd'hui, je gagne beaucoup moins bien ma vie, voire presque pas du tout. Mais comment dire ? Mais par rapport à la qualité de vie, au plaisir de vie, au plaisir du travail que je fais, des projets, des gens avec qui je travaille, tout ça, ça n'a rien à voir. Je me sens carrément mieux. C'est sûr. De toute façon, si tu veux de l'argent, faut pas faire des jeux vidéo. Bah, c'est ça. Déjà, ouais. Ou alors tu vas bosser chez Blizzard. mais c'est ça. Et donc, l'argent, peut-être que ça tombera à un moment donné, mais pour l'instant, on se débrouille sans se priver. On n'est pas non plus à la rue, on n'est pas à plaindre. Mais c'est vrai que. T'as décidé de t'épanouir plutôt que de faire quelque chose à contre-cœur, quoi. Bah ouais, enfin moi c'est surtout ça la première motivation, c'est faire un métier qui me plaît et faire des choses qui me plaisent, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'ailleurs ce que tu disais, puisque quand on dit quand on reprend un peu le terme bulindé, et c'est plus ou moins ce que dit Jeff Vogel hein, d'ailleurs de Spiderweb, c'est que finalement on a l'impression que premièrement les indépendants existaient bien avant Super Meat Boy et Minecraft, d'accord. Même si aujourd'hui c'est devenu Superman mainstream et tout ça, et que tout le monde leur serre la main. Bon ben voilà, ces mecs-là ont toujours existé, d'accord. Et c'est vrai que quand on dit bulindé, on a l'impression aujourd'hui que l'indé, ça va être un mec qui va effectivement donc faire un jeu produit dans les conditions indé, ça veut dire machin avec donc souvent des fonds propres, machin, tout ça, un contrôle immense donc sur sa production, et de l'autre côté qui espère avoir un buzz et des ventes similaires à ceux d'un double A ou d'un triple A. Enfin, après, peut-être triple A, c'est un peu trop, quoi. Mais se dire, voilà, moi, je vais produire ça tranquillement, et je vais quand même en vendre 500 000, 1 million. Et ce côté un peu, ça veut dire, enfin, ce que je voulais dire par là, c'est tout simplement que reconnaître que ceux qui étaient là avant étaient plus ou moins déjà prêts au succès. Enfin, quand je dis déjà prêt au succès, c'est qu'au moment où ça a explosé, ils avaient déjà simplement de l'expérience, ils avaient déjà des jeux qui étaient peut-être aussi disponibles, et quand on parlait de Super Meat Boy, c'est juste un... Edmund Macmillan, il a sorti au moins 7 jeux avant... Voilà, c'est juste un portage, entre guillemets, et peut-être, avec du polish derrière. Je pense aussi à Kairosoft, qui avait, sur mobile, le studio japonais, qui... Il faut savoir, en fait, que leur jeu Game Dev Story date de 1997, d'accord ? Et c'est juste qu'au moment où ça a explosé, ils ont reproposé leur jeu, et ça fait plus ou moins de ce qu'ils sont devenus. Mais c'est de ce moment, est-ce que, c'est un peu l'image qu'on a, c'est de se dire, c'est qu'on a l'impression que c'est du one-shot, quoi. C'est qu'il faut que ça passe ou ça casse. Mais plus du tout le côté, je suis prêt à avoir 15 ans d'endurance, quoi. Ce qu'il faut se dire, c'est que là, sur les PlayStation 4, Xbox One, indépendants, ils se battent pour être dessus. C'est pas un hasard, parce que les John Blow d'aujourd'hui, demain ce sera les Ubisoft, quoi. Donc parce que il y a pas mal d'indés qui ont percé un peu avant que ça devienne vraiment qu'il y ait vraiment trop de monde. C'est vrai que à un moment donné ils vont être obligés de grossir s'ils continuent à toucher à faire des hits et à toucher beaucoup d'argent. Que les indés aillent sur PS4, sur Xbox One, ça veut dire que le jeu indépendant, c'est devenu aussi une grosse industrie et qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Ça, c'est que sûr. C'est récupéré, entre guillemets, tu veux dire ? Non, je dis pas récupéré, je dis simplement c'est l'évolution naturelle du marché, quoi. Enfin, En fait, je pense que c'est cyclique. Enfin, il y a quelque chose qui est en train de se produire, quoi. C'est que... Exactement. Les indépendants d'aujourd'hui, ceux qui vont réussir à tenir la course, et ceux qui vont réussir à tenir la course, ce sont ceux qui feront pas du jeu vidéo qui sont pas dilettants, quoi, qui auront conscience qu'il y a un marché et une économie à tenir derrière. Ces mecs-là deviendront plus gros, donc j'espère qu'ils garderont malgré tout leur esprit indépendant, donc leur esprit solidaire aussi. Solidarité, entraide, tout ça. Au hasard, Notch. Ouais, par exemple. Enfin, de se dire voilà, en tout cas ils vont grossir et que bah il y a des mecs qui vont se dire bah tiens, dans 5 ans, 10 ans et 20 ans et pour jusqu'à la fin des temps, les mecs qui vont se dire bah tiens, moi aussi je vais avoir les moyens de faire des jeux dans mon garage comme ça. Après ce que dit Michael, c'est intéressant parce que micro enfin les indépendants donc Blow et toute la clique, hein, de toute façon voilà, on les connaît, vont se pointer sur sur la nouvelle génération, mais la nouvelle génération veut qu'ils viennent sur leur console, et justement nous, quelque part c'est cool parce que ça va nous permettre, enfin ça va permettre aux indés de sortir un peu du marché très compliqué qui est celui du PC. Mais enfin quand on voit par exemple que Microsoft offre une licence Unity aux développeurs indépendants pour qu'ils développent sur Xbox One, c'est un sacré argument attractif, quoi. C'est genre, hey, les gars, venez, quoi, venez, on a besoin de jeux indés. Et comme ça a été dit, effectivement, le marché de l'indé, il devient beaucoup plus important et reconnu et apprécié. Et les mecs, ils ont bien compris qu'il y avait de la thune à se faire là-dessus, quoi. Je pense qu'il y a, ceux qui veulent le public, indé, ceux qui veulent aller mainstream. Tu regardes Edmund McMillan, son prochain jeu, c'est une simulation de femme à chat. Il en a rien à foutre de faire du fric, lui. Il en a bien assez. Il fait un jeu pour délivrer. Et les gens vont rigoler en y jouant. Et à côté, il y a des mecs qui veulent faire du fric. Genre Notch, qui est millionnaire et qui te sort un jeu free-to-play assez cher, quand même. Tu en veux à Notch, j'ai l'impression. Non, c'est pas que j'en veux, mais je disais, si on parlait de l'esprit indé, si tu regardes Notch... Enfin, j'ai acheté Scrolls, bon, le jeu est bien, etc., mais vendre ça 20 euros, comparé à l'esprit que les indés sont censés avoir, c'est quand même assez abusé. Parce que t'as des paiements in-game si tu veux acheter des cartes, et c'est super cher. Il a fait un free-to-play, quoi, bon bah. Ouais, mais super cher. Mais genre, c'est pas un autre qui a fait ce jeu, c'est son père, là. Oui, mais même, enfin, il supporte quand même, c'est sa boîte, on s'attendait à ce qu'il sorte des jeux pas chers, super bien et tout, et il sort tout ça, et c'est que de voir que des indés se mettent à faire ça, ça veut dire qu'il y en a quand même qui aiment l'argent et qui veulent aller dedans, alors qu'il y en a, comme je dis, Edmund McMillan, il a pas l'air d'en vouloir beaucoup plus. Je dis pas que c'est bien ou mal, hein, je dis juste qu'il y a deux approches. Vas-y, Michael. Ce qui est rigolé avec Notch, c'est que il avait commencé un nouveau jeu et qu'il a laissé tomber parce qu'il a plus du tout d'inspiration, quoi. Et en fait, pour moi, ce que ça veut dire, c'est que son succès à Minecraft, qui maintenant, ça commence à dater, hein, c'est un succès qui pourra jamais être reproduit. C'est pour ça qu'aucune grosse boîte n'a essayé de refaire un Minecraft. Parce que ce jeu est apparu au bon moment, au bon endroit. C'est vraiment pour moi un coup de peau, quoi. Voilà, un gros coup de peau, et c'est pour ça, pour moi, c'est un exemple qui ne se reproduira jamais. Quoi. Et qu'aujourd'hui, il a dit sur Twitter, il abandonne son jeu parce qu'il ne sait pas quoi faire. C'est intéressant, puisque finalement, ce mec-là, il va être milliardaire ou millionnaire, je ne sais pas, mais il prend un jet pour aller en... Il a fini aucun de ses jeux, hein. Minecraft, il ne l'a jamais fini. Il a envoyé quelqu'un, c'est l'indé le plus célèbre, et c'est celui qui n'a jamais fini un jeu, quoi. C'est quand même assez ironique. C'est marrant, parce que tu vois, c'était un indé qui était un peu un crève-la-dalle au départ, finalement, il est devenu millionnaire, et puis moi, ce que je pense, c'est que quand t'as plein d'argent... Ta créativité, c'est plus du tout la même. Et tu peux plus être un mec en train de développer un jeu en disant, ouais, ça va être un jeu qui va révolutionner, ça va peut-être me donner un peu de reconnaissance, etc. Quand t'es milliardaire, tu vois. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Après, tu peux pas avoir une idée de génie tous les deux ans, quoi. Ce que je voulais dire en parlant de Scroll, c'est que dedans, t'avais beaucoup plus une démarche commerciale qu'une démarche créative. Ouais. C'est-à-dire que le mec, il fait un jeu pour faire du fric plutôt que faire un jeu pour faire un jeu. Exactement. Et c'est ça, c'est un peu ça, c'est que les indés, il y a ceux qui veulent faire un jeu, c'est l'esprit indé, l'esprit commercial, c'est bah, est-ce que souvent un jeu. Est-ce que Scroll est un mauvais jeu? C'est une démarche différente qui donne des jeux différents. De quoi? Est-ce que Scroll est un mauvais jeu pour autant? Pas forcément, mais c'est juste la démarche qu'il y a derrière est pas la même. Ah, c'est sûr que d'un côté on parle de Minecraft qui est genre le bac à sable, le truc où il y a des millions et des millions de joueurs qui se sont touchés la nouille dessus. Voilà. Bon, moi personnellement, j'ai pas du tout adhéré. Enfin, moi taper des blocs et enfin je trouvais ça pas très intéressant. Mais bon, en attendant, il y avait une démarche. Voilà. C'était en gros soit le mec qui réinventait encore une fois la roue et ça aurait été flippant en fait. Soit il se disait bon de toute façon maintenant j'ai de la thune, j'ai une boîte, je vais faire un jeu de cartes parce que ça me fait kiffer, whatever. Enfin, peu importe ses intentions et ses motivations. En tout cas, il a fait quelque chose. Enfin, je sais pas si c'est critiquable. Bah, en fait, je sais pas si ça a vraiment quelque chose à voir avec engagé, sa créativité. Hein. Non, c'est pas du tout qui a eu l'idée. Hein. Il a engagé les types et ils ont fait le jeu, mais ils ont jamais dit que c'était l'idée de Notch ou que c'était l'idée d'un autre type. C'est peut-être juste une idée qu'ils ont eu ensemble dans un brainstorming. Ils ont dit, bon, bah, les gars, on est une équipe, on faut faire un jeu. Ils ont dit, bon, pas le faire. Mais pour moi, c'est ni critiquable. Enfin, c'est simplement, c'est aussi représentatif que, voilà, enfin, l'indé d'hier, aujourd'hui, maintenant, c'est une boîte qui fait de l'argent et qui, voilà, qui a, ils ont embauché un financier, ils ont embauché des développeurs qui font la maintenance de Minecraft et qui font aussi Scrolls. Mmh. Mais aujourd'hui, c'est une boîte, voilà, qui tourne, quoi. Qui tourne et ils ont, à mon avis, ils sont plus là pour révolutionner le monde du jeu vidéo, quoi. Après, c'est aussi aux joueurs, un moment de faire un effort. Et tout à l'heure, on parlait du prix des jeux, mais c'est aussi parfois aux joueurs de payer plus cher un jeu qu'il aurait peut-être pas dû payer ce prix-là, en se disant, moi, je m'en fous du prix que je paye, c'est pas une patate, je m'en fous de la taille du truc, je le sais vraiment par rapport au plaisir que ça me donne. Enfin, si j'aime bien le jeu, je paye 10 euros, même si ça vaut un jeu flash à la con. Et moi, enfin, si, en essayant d'acheter des, enfin, si t'achètes quelque chose, ils vont faire du fric, ils peuvent en faire plus, quoi. C'est l'esprit-là. Et donc c'est aux joueurs d'essayer d'aider les jeux qu'ils aiment comme Kickstarter, en fait. Soit d'acheter les jeux qu'ils aiment, soit de les financer via ce genre de choses. Mais il y a quand même il y a quelque chose en face qui essaie de... Il y a des gens quand même qui essaient de faire des bons jeux et qui arrivent quand même à les vendre. Ouais, mais alors, enfin ouais, du coup, j'ai aussi envie de... Enfin, je me mets un peu en avocat du diable, hein, mais peut-être qu'aussi, quand on n'a pas une thune et qu'on a envie de faire du jeu vidéo... forcément, si tu fais pas un truc qui pète avec toute ta créativité, bah tu seras beaucoup moins récompensé d'un point de vue. Enfin, déjà, t'auras moins de chances de lancer ton affaire, ton business, que si t'as déjà de la thune ou t'as entre guillemets moins de risques à prendre d'office, quoi. Si t'as pas d'argent, prendre ton risque. Puis enfin c'est toujours compliqué et voilà, on en revient malheureusement à toujours parler d'argent parce que malheureusement Ouais, mais par rapport à ça, il y a une semaine j'aurais été d'accord, mais là je joue depuis une semaine à Risk of Rain, qui est un jeu qui a été financé par Kickstarter. C'est des mecs qui sont étudiants, ils jonglent entre des jobs en même temps pour financer leurs études, ils ont fait un Kickstarter pour faire un jeu et là ils commencent à le vendre. Et les mecs, bah, il y a quand même des mecs qui ont les couilles de faire ça et qui arrivent et qui sortent des bons jeux et qui s'en sortent quand même. Il faut le faire, mais il y a quand même des gens qui arrivent à se débrouiller, quoi qu'il arrive, pour vendre des jeux. Non, mais c'est super, mais en attendant, le mec, du coup, il passe sa vie et je pense qu'il souffre, tu vois. Enfin, c'est super compliqué. C'est bien beau de. On n'est pas dilettant grave. C'est pas facile, hein, d'être indé. Non, avec les litus, mais. Vas-y, Michael, je t'en prie. C'est fatigant, enfin, c'est crevant. Si on. J'ai envie de lancer le nom, attention les gars, mais genre Phil Fish, quoi. Ah, si tu veux faire ton jeu à toi, qui t'appartient, à toi tout seul, que tu veux le vendre, que tu veux en vivre, bah, je suis désolé, mais ça représente du boulot, parce qu'il faut que tu sois marketeur, il faut que tu sois développeur, il faut que tu sois artiste, et bah, ça demande du boulot. Hein. Bien sûr, ouais. Et c'est pour ça, donc je voulais dire. Jeux vidéo, tu bosses dans une boîte comme EA, si on prend l'exemple, ouais, mais oui, enfin après, faut pouvoir y travailler et vouloir, mais on prend l'exemple de Phil Fish, par exemple, le mec, là, il fait Fez, ça prend des années, il a passé toutes ses années de dev à se faire insulter. voilà, le gars, enfin bon, bref, on connaît toute l'histoire. Ok, il sort Fez. Globalement plébiscité, après critiquable sur des points ou pas, peu importe. En tout cas, il sort son jeu et clairement sans voilà, il y a pas de question, enfin il y a pas de jugement dans ce que je veux dire, mais en tout cas son jeu, on sent que c'est son jeu, quoi. Il transpire le Phil Fish. Enfin en tout cas, il transpire le j'ai des choses à raconter, j'ai envie de quelque chose. OK, là, il sort son truc, super. Ça reste une personnalité. Il dit ok les gars, enfin il dit sa boîte, parce que c'est une boîte, hein, et on connaît plus le personnage que la boîte, mais c'est une boîte. Il dit ok les mecs, on est chaud patate, on va faire Fez 2. Ok, ils font Fez 2, tout le monde est trop content, c'est super. Et un jour le mec, enfin j'insiste sur la distinction, hein, entre le mec et sa boîte. Oui. Le mec repète un câble, voilà, nanana, gros clash Twitter, un truc super. Et ok, le mec il rage quitte, il arrête tout. Genre, ok les gars, j'en ai marre, j'arrête Fez 2, je me casse. Donc aujourd'hui, est-ce que Phil Fish il travaille dans une épicerie pour continuer à gagner des thunes, ou bien est-ce que Fez lui suffit et de toute façon il y a encore des promos Fez, des trucs Fez et tout le monde en parle encore et il vit encore là-dessus et tout. Bon bah le mec, il a été indépendant, il a sué sang et pire que ça, je pense, pour sortir son titre. Mmh. Aujourd'hui, je pense pas que l'argent soit son principal problème. Mais en attendant, voilà, il a abandonné un projet. Et quelle est sa situation concrète par rapport à, enfin je vais dire ça comme ça va être un peu sale, mais j'espère que vous allez me piger, mais quelle est sa situation du coup par rapport à son rôle de professionnel du jeu vidéo, quelle est sa situation par rapport au marché, c'est quoi ce mec, c'est quoi ses projets futurs du coup, ce mec a fait un one shot, a fait de la thune à fond et ça s'arrête là. Bah ouais, bah écoute, enfin le mec après on peut le trouver complètement con ou enfin on peut l'aimer ou pas. Enfin quand même le mec a quand même passé 7 ans de sa vie sur son jeu, il en a quand même pas mal bavé. C'est vrai qu'il bon, il est imbuvable. Après moi je sais pas ce qu'il est devenu, mais après s'il a envie d'arrêter, pourquoi pas. Enfin, après il doit rien à personne, il a fait son jeu. Flood, tu penses qu'il a une responsabilité après Fez ou comment ça se passe? Après Fez? Oui. Enfin, une fois qu'il a sorti Fez et qu'il a commencé, on va dire, entamer le projet Fez 2, effectivement avec sa société, donc il y a sûrement d'autres développeurs engagés là-dedans. Est-ce que ces gens-là avaient envie d'arrêter ou pas? Enfin, peut-être qu'effectivement il les a mis dans la barque. Je saurais. Oui, il a une responsabilité parce que de toute façon, on dit Fez, on dit Phil Fish. Enfin, voilà, ça va ensemble. C'est sûr. Ouais. Donc ouais, il a une responsabilité. Enfin voilà. Le problème quand on se met à parler de responsabilité avec Phil Fish aujourd'hui, c'est que du coup, forcément, ça engage un débat, quoi. C'est... Mmh. Après, donc, ça se trouve, c'est du bluff aussi. Hein. Peut-être, peut-être. Enfin, c'est une diva. Hein, donc, parce que pour l'instant, on sait pas ce qu'il fait. Tu vois, il a dit ouais, je quitte le jeu vidéo, mais voilà, on sait pas ce qu'il fait. On sait pas. Bah, donc, si aujourd'hui il travaille Fez 2 dans son garage, il est vachement ballsy parce que c'est pas, du coup, c'est pas que son nom qui est engagé, quoi. Mais en quoi c'est intéressant en fait ce qu'il fait en ce moment, on s'en fout un peu. Il a mis 7 ans à faire un jeu, il va pas en ressortir un autre avant 5 de plus. Moi, je vois justement, pas non, il y a plein de choses. Pourquoi on s'intéresse au personnage, hein. Il y a plein de choses qui changent. Il y a le fait que sa boîte est de la thune et que par conséquent, déjà. Mais s'il est plus dans lui en tant que personne et qu'il veut plus faire de jeu. Mais ça, on s'en fout. Enfin, ça, on s'en fout. À la limite, le mec. En quoi il est intéressant alors s'il fait plus de jeu? Il aurait dit, j'arrête les gars, mais faites ce que vous voulez, moi j'arrête. Polytron aurait continué, quoi. Il y a pas, enfin, si, enfin, c'est on, je sais pas ce qu'il y a à dire dessus, quoi. Le mec, il a pété un plomb, il a fait un jeu, il l'a sorti, je sais pas, enfin, je vois pas, il y a toujours des trucs comme ça qui se passent, quoi, qu'il arrive dans toutes les industries. C'est par rapport justement aux engagements, à ce que fait une boîte, à ce que une boîte indépendante, hein, je parle. Ah, aujourd'hui, on peut pas rien dire parce qu'on sait pas ce qu'il fait, donc. T'auras toujours des mecs. J'ai juste pris un exemple. C'est pas grave. Je vois pas ce qu'il y a à dire dessus. Franchement, honnêtement, oui, Phil Fish, il a fait ça, mais bah, en quoi ça change ce que. L'exemple que j'ai balancé, c'était pas Phil Fish. Enfin, Phil Fish, je l'ai juste pris en exemple pour illustrer le fait que il y a un auteur qui est plus connu que sa boîte qui lance un jeu. Ouais. Que c'est un jeu qui est connu, qui a rapporté de l'argent. Qu'aujourd'hui, le mec, il aurait toutes les possibilités. Enfin, la boîte aurait toutes les possibilités à continuer le bis, que ce soit Fez 2 ou un autre jeu. Et les mecs, bah non, quoi, c'est juste sur la personne que c'est plus ou moins reposé l'avenir du truc. Mmh, ouais, et, je vois ce que tu veux dire. Bon, voilà, quoi. C'était parce que, comme on disait que Notch avec Scrolls, etc., était parti d'un pur jeu novateur, etc., pour finalement faire un truc lambda, bah voilà, il y a des exemples comme ça où finalement, là, on arrive à un point de non-retour potentiel et qu'est-ce que ça change par rapport à. Ah, je sais pas, n'importe quoi d'ailleurs, la trace qu'aurait laissé le jeu ou quoi, peu importe. Mais. Faut essayer de voir le bon côté des choses et voir les bons jeux, hein. Comme je dis, t'auras toujours des erreurs, t'auras toujours des mauvais jeux ou des jeux qui finissent mal ou finalement c'est des jeux pas terribles, mais essaie de trouver des bons jeux et tu joues à ceux-là et tant pis si au passage il y a des bouses, hein. Comme on l'a dit au début, il y a plein de gens qui font des jeux, hein. Si t'as 10 000 personnes qui font des jeux, il va y avoir un sacré nombre de bouses, hein. Faut trouver les bons jeux, c'est tout. Mais c'est vrai que par rapport à ça, on voit bien aussi que dans le même temps, d'accord, effectivement, même s'il y a eu, enfin pardon, bah effectivement, donc même s'il y a l'apparition de plateformes de distribution en dématérialisé comme Steam, bien sûr, hein, d'accord. Et puis après d'autres ensuite, hein, tu as cité Desura, il me semble. Ouais. Je pense à GOG également, etc. Ouais. Et puis en plus, comme on voit avec Sony, Microsoft, il y a des politiques un peu constructeurs aussi, qui sont, qui permettent aussi l'émergence de tout ça. Les outils de jeux vidéo, un peu comme, l'accès à des moteurs un peu plus facilement manipulables, ce genre de choses. Tu as cité Unity tout à l'heure, et puis il y a plein de sites de portails. Mais c'est vrai que dans le même temps aussi, il y a quelque chose qui a explosé, on va dire, durant ces 10 dernières années, 7-8 dernières années, on va dire. Et notamment en France, c'est l'accès en fait aux formations de jeux vidéo. Et donc quand on voit des écoles du style machin, tout ça, où effectivement, bon voilà. Et c'est vrai que on s'était rendu avec Camé notamment à des masterclass à la Villette à Paris. Et donc toutes les personnes dans le public en fait se présentaient comme étant des game designers. Donc voilà, en tout cas c'est assez représentatif. Et tout simplement voilà pour dire que ces écoles-là fonctionnent, en tout cas apparemment suffisamment. Et c'est tout simplement moi, ce que je vois aussi par rapport à ça, c'est me dire, quand on voit effectivement, je ne sais pas d'ailleurs ce qu'on apprend dans ces écoles-là, mais peut-être qu'elles sont effectivement en relation avec des grosses boîtes ou des moyennes. Moi, je sors d'une école comme ça. J'ai fait Super Info Game, qui a changé de nom, c'est Rubika, maintenant Super Info Game dans le Nord. Ouais. Et oui, donc, vas-y, va au bout de ta pensée. Du coup, tu vois, en fait, c'est un peu ce que je voulais dire. Ça veut dire que je ne sais pas exactement ce qui se passe dans ces écoles, mais tu pourras effectivement confirmer. Mais peut-être que vous travaillez en relation avec des grosses boîtes ou des moyennes boîtes, d'accord, mais qui visent peut-être le double A ou le triple A. Donc, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Hein. Mais c'est dire simplement, est-ce que l'avantage, au final, quand on voit l'émergence de tous ces jeux un peu 8 bits qui sont mis au premier plan avec donc des mécaniques simples mais efficaces qui sont effectivement utilisées dans et le joueur qui va être mis à l'épreuve dans différentes situations comme dans les jeux à l'époque quoi avec juste 3 vies genre de truc et c'est dire seulement est-ce que il y a pas d'un côté des écoles qui apprennent effectivement à faire du jeu vidéo entre guillemets formaté cinématographique un peu triple A d'accord. Et de l'autre côté, finalement, une véritable école classique qui apprend peut-être un peu mieux les fondamentaux, qui est tout simplement tous ces exemples, d'accord, de jeux indépendants qui fleurissent partout, avec les contests jam et tous les trucs du style Ludum Dare, tout ça, et se dire finalement que ces étudiants connaissent, entre guillemets, ou en tout cas sont sensibilisés aux, entre guillemets, vrais jeux vidéo, d'accord. Enfin, quand je dis vrai, on va dire des codes traditionnels, des mécaniques un peu plus anciennes, ce genre de choses. Est-ce que tu le vois comme ça? Ça veut dire te dire que ce qu'on apprend aujourd'hui sur la scène indé, on n'aurait absolument pas pu l'apprendre à l'école et absolument pas pu l'apprendre ailleurs. Et finalement, que c'est un peu mieux formateur, on va dire. Mais pas simplement dans le côté je chiffre un projet, quoi. Mais se dire ça change un peu ma vision du game design ou bien ce genre de choses. Alors, ça, oui, clairement. La question, elle est en deux temps. Ah. Est-ce que, alors, première question que j'identifie, c'est en gros, est-ce que on pourrait dire, je grossis un peu, tu me dis si j'ai bien suivi l'idée, est-ce que, petit 1, on peut être formé à être game designer game designer pour aller chez Ubi, chez Electronic Arts, machin, ou est-ce que on me forme à une, au sens plus large, à une créativité, au game design, à la créativité en général, et ce qui, du coup, s'approcherait plus de l'esprit indé. Voilà, c'est ça. Alors, pour le cas de l'école que j'ai faite, c'est pas... Moi, je suis rentré à cette école en me disant que dans ma vie, je voulais faire du triple A. J'en suis ressorti en créant ma boîte. Est-ce que ça veut dire que j'ai été mal formé pour faire du triple A entre guillemets? Pas du tout. Il y a eu énormément d'intervenants qui venaient de chez Ubi et des gens extrêmement talentueux et compétents et intéressants et même très ouverts d'esprit. Ouais. Donc, non, pas du tout. Enfin, c'est pas ça. Est-ce que j'ai été plus formé à faire de l'indé? Bah non plus, puisque je pense pas qu'il y ait vraiment de formation à ça dans le sens où le game design c'est avant tout quelque chose. Je pense de très personnel. En fait, il y a beaucoup de théories dans un cours de game design. Ouais. Savoir identifier des game patterns, comprendre des mécaniques de jeu, comment capter l'attention d'un joueur, etc. Mais ça, tu peux les mettre en pratique dans le dernier Call of Duty, comme tu peux les mettre en pratique dans le dernier jeu indé à la mode. Enfin, il y a pas de problème là-dessus, quoi. Une règle de game design peut s'appliquer à n'importe quel budget, en fait. Ouais, tout à fait. Donc voilà, après, ouais, oui, c'est sûr que l'école en elle-même, elle aura plus tendance à t'orienter, on va dire, là où tu vas trouver du boulot gratifiant. Mmh. Donc c'est vrai que dans notre école, il y a énormément de gens qui travaillent aujourd'hui chez Ubisoft. Ouais. Mais c'est pas pour ça non plus qu'il y a une espèce de genre ah merde, j'arrive à Ubisoft, ah non, j'ai été formé à faire de l'indépendant, je suis complètement perdu, tu vois, non, pas du tout, quoi. D'accord. C'est vraiment juste après t'as des idées, t'as des points de vue personnels, et c'est ça aussi qu'il faut dire, c'est que c'est quand même d'incitation à développer tes propres points de vue, tes propres avis, tes propres affinités. Et c'est très bien comme ça. Hein. D'accord. Donc, voilà, c'est non, il y a pas. Enfin, de mon point de vue, il n'y a pas de formation pro Ubisoft ou de formation indépendant pure, quoi. D'accord. Après, ceci étant, juste je rajoute pour finir, Super Info Game est quand même plus on va dire deux écoles connues. Il y a Lengmin qui est à Paris et Super Info Game. Et c'est vrai que Lengmin a plus un côté très arty. Donc c'est cool aussi, hein. Enfin, on peut s'amuser à faire des jeux arty. Après, je pense personnellement que du coup, on a peut-être, enfin, bon, j'ai pas envie de critiquer parce que je connais pas et voilà. Enfin, en fait, il y a pas d'animosité dans ce que je vais dire, mais je pense que du coup, il y a quand même moins de pertinence, je vais dire, dans leur formation game design, dans le sens où quand même, faut être un peu ouvert, très analyste. Toucher à tout. Ouais, voilà, c'est peut-être quelque chose qui manque. Zindé. Pardon ? Faut être touche à tout, surtout quand tu veux faire plus de l'indé ou des petits jeux. Ouais, avoir un peu. Ça intéresse à savoir taper dans le netcode, les graphismes et tout ce qu'il faut, hein, parce que t'auras pas une personne pour s'occuper de tout à ta place. Hein, donc c'est... Bon, après, c'est sûr que pendant les études, on a tous fait un peu de tout, quoi, du coup. Mais maintenant, l'école change. Enfin, bref, c'est pas grave, mais. Enfin, c'est pas intéressant dans le sujet, mais. Maintenant, il y a des branches prog, des branches graph, des branches GD. Et moi, quand j'y étais, c'est vrai que j'ai souvent fait du graph, par exemple. Alors que de formation, du coup, je suis game designer. Mais ouais, faut savoir taper dans tout. Ouais. Dev, ça s'apprend surtout soi-même. Hein. Ouais, c'est sûr. Tellement quelque chose que t'apprends à l'école. À l'école, on t'apprend l'esprit dev, mais on t'apprend pas vraiment tes connaissances. C'est à toi de te démerder, à trouver ça sur Internet. Hein. En général, des cours, enfin tout ce que tu trouves sur ce qui t'intéresse et tu vas là-dedans, quoi. Moi, personnellement, je suis pas certain qu'elle puisse trop t'entraîner d'un côté ou d'un autre. Mais, Michael, je t'en prie. C'est bon ? Ouais, vas-y. Non, bah, personnellement, moi, j'ai pas fait du tout d'études de jeux vidéo. Ouais. En fait, quand j'ai quitté mon taf, là, maintenant, ça fait 3 ans, en fait, j'ai appris à coder tout seul, avec Internet, justement. Et bon, je suis déjà graphiste, donc ça me faisait un petit avantage par rapport à ça. Mais c'est vrai que bon, les gens que je connais qui ont fait des formations, sont plutôt tendance à essayer de former dans une spécialité, graphisme, programmation, etc. Enfin, 3D, pour après intégrer des gros studios. Oui. Puisque les gros studios, ben voilà, on fait, il y a un mec. Par exemple, dans Batman Arkham City, il y a un mec qui a passé 6 mois pour faire l'animation de la cape de Batman. Donc, et je le remercie. Parce que donc après, quand on est dans une grosse boîte, tout de suite, on s'occupe d'une petite tâche par rapport à un gros projet. Et quand on est indé, il faut savoir tout faire. Programmation, graphisme, musique, marketing, etc. Enfin, tout ce qu'on disait, quoi. Et voilà. Et bon, en tout cas, c'est très vrai ce que tu dis. C'est aussi ce qui personnellement, du coup, m'a repoussé du monde des grosses boîtes, c'est que se caler derrière un bureau et faire sa petite tâche et en attendant que le mec qui est au-dessus de nous dans la hiérarchie dise OK, c'est bon, tu peux passer à la suivante. C'est sûr que c'est beaucoup moins gratifiant en termes de, personnellement, quoi. Je vois. Ouais. Et donc, voilà. Dans tous les cas, est-ce qu'on peut dire que tous, hein, autant que vous êtes partis pour rester ? Bah ouais, c'est l'idée. Ouais. Pas découragé. Moi, j'espère pouvoir continuer et faire ça toute ma vie. Enfin, peut-être pas toute ma vie, mais un bon moment, parce que je trouve ça vraiment passionnant. Et voilà, moi, je m'éclate, en tout cas. C'est vrai que donc, il y a Out There, c'est ça ? Demi-clos ? Qui arrive. Début 2014, ouais. Ouais, mais ils disent tout ça, hein. toujours, début 2014, tout ça. On devait sortir cette année, mais c'était pas prêt. Donc voilà, donc on vous croit plus, quoi, à force. Ouais. Sinon, donc pour toi, Joe, c'était quoi déjà? Notre boîte, notre jeu, enfin, notre... Le projet Coming Soon. Le projet Coming Soon, eh bien, il s'appelle Box Out. Mmh. Et donc voilà, c'est un jeu de plateforme tout simple. Enfin voilà, gameplay ultra accessible. Hein. En gros, on dirige un perso qui peut se transformer pour passer plusieurs obstacles, à travers plusieurs pièges. Il doit traverser des niveaux. Mmh. Donc voilà, concept ultra simple, ultra addictif, ultra rapide à comprendre. Ouais. Et on a après là, on en fait, on arrive à la fin. On a fini la prod. La fin de la prod est prévue pour vendredi. Donc, si tout va bien, il sera en vente avant 2014. Ah ben, tu vois. Si tout va bien. Si on voilà. Oui, enfin, si tu tiens tes promesses, et on espère. Et sinon, c'est vrai que dans ton cas, à IU1, tu es dev, mais tu es aussi beaucoup joueur. Donc, ouais. Quel est le truc à venir? Enfin, ton jeu, ton truc, ton machin. Bientôt, t'as un peu touche à tout, c'est vrai. Moi, je crois. Il y a Banner Saga qui sort janvier. Ouais. J'ai backé, donc je suis obligé d'y jouer. Ouais. Et qui a l'air pas mal. Et c'est vrai dans les prochaines sorties. Ouais. Récemment, je suis à fond dans Risk of Rain et je sais pas s'il y a des gros trucs qui vont sortir bientôt. Mais en fait, par rapport à ça, à ta manière justement de consommer les jeux et de t'intéresser à tout ça, quel est, on va dire en termes de conseils, hein, quel est le meilleur moyen de savoir ce qui sort? Meilleur moyen de savoir la meilleure méthode sort. Ouais. Twitter, c'est quand même pas mal. D'accord. Parce que dès qu'on s'intéresse à un jeu, on peut suivre le studio, ils vont s'en mettre hors tweet les devs, on peut suivre les devs qui vont suivre des devpods qui bossent dans d'autres studios, qui ont un peu le même esprit. On peut facilement se constituer un monde, mais dans tous les cas, faut faire un effort. Sinon, le mieux, ça reste Steam. Steam a quand même le meilleur rapport mainstream, on va dire, indé. Il y a quand même de l'indé assez pas poussé, mais des trucs, des concepts assez... ouais, il y a des jeux assez sympas, des puzzle games, il y a Space Jam, des trucs comme ça sur Steam, donc c'est quand même le meilleur endroit pour trouver des jeux intéressants. Et ça prend... y en a qui n'y sont pas, mais par rapport à la... On va dire que c'est pas possible en un seul endroit de trouver autant de jeux aussi bien, actuellement. Ouais, mais... Sinon, il y a des sites français qui parlent de jeux indépendants, je pense à Indius.com. org ou .fr, je ne sais plus. Ouais. Je crois qu'ils ont changé il n'y a pas longtemps. Oui, Indieu, c'est un très bon site. Ouais. C'est le Redac Chef, c'est un tout jeune qui est hyper passionné par les jeux indépendants. Il est au lycée, je crois. Ouais. Bah, en fait, il était passé avec Gamescom et il a dû mentir sur son âge pour avoir un passe-presse. Il était encore mineur. Il n'y a pas d'âge pour être talentueux, quoi. Faut pas. Voilà. Mais sinon, c'est vrai que tout ce temps de recherche, combien d'heures par semaine ça peut prendre finalement? Oh, bah après ça dépend quelle importance t'as mis ça. You know, ever since I arrived in New York,